Salut, vous êtes toujours sur Radio Cayenne. Et là, on va enchaîner par un truc qu'on n'avait pas dit. Et ce sont deux petits podcasts issus de l'émission L'actualité des luttes sur Fréquence Paris Pluriel. Le premier va causer des gilets noirs qui ont fait une action à Roissy il y a un peu plus d'une semaine. On en a un petit peu parlé la semaine dernière. Et le second parle des centres de rétention. Et donc, on vous passe ça, ça dure une petite vingtaine de minutes. Et bonjour, vous êtes bien dans l'actualité des luttes, comme tous les jours, de midi et nuit à 13h30 sur Fréquence Paris Pluriel. Et aujourd'hui, en cette émission du mardi 21 mai 2019, nous sommes en direct pour discuter tout d'abord avec nos copains, parce qu'on est plein sur ce plateau, les camarades vont se présenter, de l'action de dimanche qui avait lieu à l'aéroport Charles de Gaulle. Est-ce que vous pouvez commencer simplement par vous présenter? Bonjour, moi je suis Monsieur Sonko Boubacar. Je viens de là, ça s'appelle de Wouzy-le-Noir. Bonjour et merci pour l'invitation. Et ça me fait très plaisir. Bon, je me représente, je m'appelle Fiseno Camara, des foyers de Riquet référents. Bonjour, je m'appelle Ahmed Abdelkarim, la chapelle de Wouzy-le-Noir. Bonjour, moi c'est Paul, je suis de la chapelle debout. On va commencer simplement par se demander pourquoi est-ce qu'on vous a invité aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé dimanche dernier à l'aéroport Charles de Gaulle, qui commence par me raconter cette action. Bon, on était à dimanche à Charles de Gaulle, étoile des gilets noirs. Voilà, des gilets noirs qui sont déterminés, des sans-papiers, quoi. On était en marche et juste pour revendiquer, pour arrêter les déportations des sans-papiers. Donc, c'est pour cela qu'on était à l'aéroport de Charles de Gaulle Étoile, pour revendiquer nos droits, pour dire que l'Air France arrêtait de déporter des sans-papiers. Être en sans-papiers, ce n'est pas un crime. Bon, on était allé là-bas pour juste dénoncer des Air France d'arrêter des financements, d'avoir déporté des sans-papiers. Vous étiez combien à peu près? On était environ 500 ou 300, comme les gens nous disent. On était environ 500 et 300. On était occupé à l'aéroport Charles de Gaulle Étoile. On était bloqué complètement. Vous y êtes allé et vous avez été bloqué par la police? Non. Ah, avez bloqué l'aéroport. On a bloqué l'aéroport Charles de Gaulle Étoile. Pendant combien de temps? 4 heures ou 5 heures. 4 heures du temps. Ok. Alors, comment a réagi la sécurité de l'aéroport? Bon, la sécurité de l'aéroport, bon, ils ont réagi vite. Ils ont même nous gazé, mais on n'a pas pris la fuite. On est resté debout parce que nous sommes des gens qui ont juste revendiqué et pas plus. Ok. Et autre chose, je suppose qu'il y avait des gens qui étaient là pour prendre l'avion. Bah oui. Et comment ils ont réagi, eux? Comme nous aussi, ils ne voient pas, nous respectons nos droits. Alors nous aussi, cette fois-ci, aujourd'hui quand même, le dimanche, on va bloquer l'aéroport Charles de Gaulle Étoile. Donc, ils vont réagir. Alors, on a bloqué complètement. Il n'y a plus de passagers qui sont passés à cette heure-ci. Et ils ne pensent pas que nous, on va aller à l'aéroport. Parce que nous... Dès qu'on a commencé la lutte, l'aéroport, ce n'était pas à l'objectif, mais à la fin, on a pensé. C'est l'endroit plus dangereux pour nous, mais on a essayé d'aller là-bas. C'est pour montrer qu'on n'a plus peur. Donc, on n'a plus peur pour casser, on n'a plus peur d'être invisible. Maintenant, on est visible partout. Parce que être en sans-papier, c'est être tout le temps en cachette. Alors, donc, c'est là qu'on a décidé l'aéroport pour bloquer là-bas et pour que les gens sachent que nous aussi, on existe, on est là. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la manière dont s'est passée même la journée? Ouais, on arrive à voir les directrices Air France. Donc, il nous a dit qu'il va nous envoyer notre email et notre numéro par le Premier ministre ou directeur ou le président de Air France. Pour lui dire que les gilets noirs sont passés ici aujourd'hui. Ils sont bloqués l'aéroport. Et c'est une vraie réussite de pouvoir faire une action comme ça, qui a priori peut être dangereuse, que vous déclarez pas, et où au final vous arrivez quand même tous à repartir calmement. Ça montre aussi que bah, les actions, ça peut fonctionner. On verra si la direction d'Air France appelle ou pas. Voilà, on avait prévenu aussi que si on n'aura pas les nouvelles, à la prochaine, aujourd'hui nous sommes 500 personnes, à la prochaine on va venir jusqu'à 1000 ou 2000 personnes pour aller bloquer l'aéroport. En fait, on va continuer la lutte, on ne recule pas jusqu'à les nouvelles. En fait, les nouvelles aussi, c'est des bonnes nouvelles qu'on veut. Oui. Bah nous sommes plus noirs, aujourd'hui nous sommes devenus roses. Autre chose, dans le communiqué que vous avez écrit, vous avez marqué au tout début qu'on vous prenait pour des marchandises. Et résultat, j'ai trouvé que ça mettait en avant la question aussi de l'économie autour des sans-papiers, en fait. Et que le fait que vous bloquiez économiquement aussi, quelque part, un aéroport, et donc que vous fassiez perdre de l'argent, quand le reste du temps, on se fait de l'argent sur votre dos, j'ai trouvé ça super pertinent, intéressant. En fait, du coup aussi, si tu travailles ici sans papier, tu es esclave. Tout le travail merde qu'il y a en France ici, c'est nous qui faites. Un vrai Français ne fait pas le travail un travail merde ici. C'est nous les étrangers qui faisons. En fait, c'est pas tous les étrangers aussi, c'est les sans-papiers qui font ça aussi. Hein. Donc on veut notre droit, on veut la liberté, comme leur mot, ils disent la liberté, égalité, fraternité. Alors que nous les étrangers, c'est pas, ça n'existe pas, c'est nous les étrangers. Parce qu'ils nous maltraitent. On est mal logés, on est tous les souffrances ici. En fait, du coup, on est là aussi, on n'est pas là pour travailler seulement. On est là pour récupérer notre source. Ce qui se nous appartient. Parce que notre source aussi, c'est la France qui a créé tout ça. Parce qu'il nous a créé des guerres là-bas. Il nous a tué nos grands-parents. Donc, il nous a colonisé aussi. On est venu montrer la France que nous ne sommes pas leurs ennemis. Voilà. Alors, effectivement, la France traite extrêmement mal les étrangers, les exploite. Ça, c'est évident. Puis il semblerait qu'en fait, ces derniers temps, on est aussi au courant que la France traite extrêmement mal toute une partie des Français aussi, puisqu'on les a vus dans la rue ces 6 derniers mois. Ouais. Donc il y a le mouvement des Gilets jaunes qui met quand même beaucoup en avant la misère de tout un tas de Français aussi. Je voulais vous demander, vous vous êtes appelé Gilet Noir. Moi, je vous ai vu dans des manifestations de Gilets jaunes dans lesquelles vous veniez pour faire le lien aussi, entre toutes ces différentes misères. Ça vient d'où? Ça vous est venu d'où, Gilets Noirs? Les Gilets Noirs, les noms, ça a mené aux marches des 16 mars. On était avec les Gilets Jaunes, donc du coup, on était créé là-bas des Gilets Noirs. Mais du coup, les Gilets Noirs, c'est une mobilisation de tous les sans-papiers, de tous les foyers de France. Parce qu'on a essayé de mobiliser tous les foyers de l'Île-de-France. On ne lutte pas avec le foyer seulement, avec les gens qui sont dans les rues. Ouais. C'est nous tous qu'on lutte ensemble. Donc du coup, on s'est regroupé, donc on s'est amené le nom des Gilets Noirs. Donc du coup, on a nommé ici Gilets Noirs. Et pourquoi vous vous êtes dit que ça pourrait être intéressant d'aller dans des manifestations de Gilets jaunes pour vous faire voir aussi? Voilà. Bon, du coup, c'est pour l'avantage des sans-papiers. Parce que comme ici, nous ne sommes pas reconnus, donc du coup, on se dit, on va aller manifester avec des gilets jaunes. Si on crie des gilets noirs, alors les médias peuvent parler de nous. Voilà. Ok. Est-ce que il y a quelque chose dont vous aimeriez parler que je ne vous ai pas posé comme question? Bon, on veut du soutien. On veut vraiment du soutien. Parce que ici, vraiment, on souffre. On souffre trop. Et on ne mérite pas d'être souffrir ici. Le président ou les États français doivent voir que l'Afrique, maintenant, c'est eux qui nous ont colonisés, on n'est pas réfugiés. Parce qu'ils colonisent certaines personnes et ils crassent leur pays et ils détruisent leur pays. C'est pas possible. Nous, on ne veut plus ça. C'est ce message qu'on voulait lancer pour tout le monde. En fait, du coup, on a besoin de soutien partout. Mmh. Pas France seulement, du monde. Mmh. On a besoin de soutien. Voilà, merci. اما بالنسبه لي انا احنا انا جيت اتحدث عن الطريقه بتاعه السجن بتاع الترحيل والطريقه اللي بيحبسوه الناس الشرطه الاشخاص اللي هم مهددين بالترحيل الى بلدانهم دي طريقه سيئه جدا جدا وما مقبوله وحتى بيتعاملوا معاهم معامله صعبه جدا جدا. Moi, je vais essayer de vous traduire un peu ce que dit Najmeddin Ahmed. Du coup, il dit qu'il voulait parler des centres de rétention et des personnes qui attendent d'être déportées dans les centres de rétention et de la police parce que c'est une situation très difficile. فدي طريقة صعبة جدا جدا. احنا اخترنا الايربورت اخترنا المطار عشان لازم نعمل موعد مع المدير بتاع الخطوط بتاع الاير فرانس عشان نقدر نتحصل على طريقة ما يرحلوا الاشخاص الى بلدانهم. دي حاجة صعبة جدا جدا بالنسبة لهم وبعرضوا للقتل. Donc on a demandé un rendez-vous avec le directeur d'Air France parce qu'il déporte dans d'autres pays et que ça c'est un vrai problème qui est très compliqué. Les خطوط الفرنسية هي بتتعامل مع الخطوط القطرية وبتتعامل مع الخطوط الأثيوبية ولكن هي ما بترحل بترحل الخطوط القطرية والأثيوبية. Donc la compagnie Air France, elle travaille avec d'autres compagnies, à savoir la compagnie Qatar Airways et Ethiopian. Ils ont des contrats avec ces compagnies. فنحن لازم نشوف حل بالنسبة للأشخاص. فنحن كسودانيين يرحلون إلى السودان بنتعرض للقتل. Donc il faut qu'on trouve des solutions, par exemple pour nous, pour tout le monde. Par exemple nous, les Soudanais, si on se fait déporter au Soudan, on est mort. نحن لما جينا إلى فرنسا اعتبرنا إنه فرنسا فيها حرية. نحن ما وجدنا أي حرية. نحن حتى الآن موجودين في الشارع بننوم في الشارع وما عندنا سكنات. فده طريقة ما حميدة يعني. Nous on pensait que en France il y avait la liberté, mais en France il y a pas de liberté. Quand on est ici, on est à la rue, on a pas de logement et c'est très compliqué. فده الطريقة ده الموضوع الأساسي المهم بالنسبة لي أنا. فجد لازم أتكلم في الموضوع ده والموضوع بتاع السجن بتاع الترحيل. ده أسوأ شيئين أنا اخترتهم عشان أتكلم في الموضوع ده. Je pense qu'il faut parler de ce sujet et parler du sujet des centres de rétention parce que c'est des sujets très importants. رجعت قعدت شهرين في المركز. Je suis resté deux mois dans le centre de rétention. بعد الشهرين فأنا أخذونا على المطار أربع مرات. فالأربع مرات أنا برفض ركوب الطائرة لأنه حياتي محددة بالقتل في السودان. كيف إنه أنا أترحل إلى السودان بالطريقة دي؟ Et donc, on m'a emmené quatre fois à l'aéroport pour essayer de me déporter. Mais ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas retourner au Soudan. Comment c'est possible que je sois expulsé au Soudan? I know some Sudanese here. Ouais. The police sent him back to Sudan. Now, no news about him. No okay. Any news about him. OK. Donc, voilà. Donc, lui, il témoigne du fait que des sans-papiers soudanais ayant été déportés au Soudan... Depuis qu'ils sont retournés dans le pays, il n'y a plus du tout de nouvelles d'eux. On n'entend plus du tout parler d'eux, donc ils ont plus ou moins disparu. Donc, d'après les dires précédents, ça voudrait dire qu'ils sont morts. We now we choose airport with Achabel Dibou, with Gilles Lenoir, to say something about Sudanese refugees, especially Sudanese from Darfur. Because if the Sudanese from Darfur is going back to Sudan, that is very dangerous for him. In the airport, directly, the government is kill him. Ok. Et donc, l'importance aussi de l'action de dimanche dernier avait à voir avec le fait de mettre en avant aussi la question des réfugiés soudanais, notamment qui viennent du Darfour, qui, dès qu'ils sont renvoyés chez eux, vont être tués par le gouvernement. Situation extrêmement dangereuse. Nous sommes donc à Roissy-Charles de Gaulle pour une action surprise des sans-papiers qui envahissent donc le terminal F pour protester contre la politique migratoire du gouvernement français donc, et les conditions déplorables de détention dans les centres de rétention administrative. Voilà, beaucoup de monde, environ, je dirais, plus de 500 personnes. « Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, jusqu'à 13h30, vous êtes à l'écoute de l'actualité des luttes. Alors aujourd'hui, comme assez souvent ces derniers temps, on va faire un point sur les centres de rétention. Et en plateau, on a Alex. Salut. Tu fais partie de l'émission L'Envolée. Alors pour les personnes qui nous rejoignent, peut-être faire un petit topo sur ce que c'est un petit peu les centres de rétention. Ouais. Du coup, les centres de rétention, c'est les prisons pour sans-papiers. Et en fait, là où je pense que c'est important de rappeler ce que c'est un centre de rétention, c'est que c'est pas là uniquement pour expulser les gens, comme on le dit souvent. L'année dernière, c'est en gros 50 000 personnes qui se sont fait enfermer là-bas. Il y a eu 20 000 des déportations. La majorité des déportations, elles sont en Europe, c'est-à-dire vers l'Albanie, vers la Roumanie, la Pologne, etc. Et l'autre pays d'après, c'est l'Algérie, le Maghreb et l'Afrique, quoi. En gros. Et du coup, le centre de rétention, il sert donc à la fois à expulser des populations en masse et dans le jeu européen de gestion de population, mais sert aussi en fait à marquer les corps et les esprits. C'est pour ça que la durée de rétention elle a été doublée et que d'année en année, parce que je crois en 2013 c'est passé à 30 jours ou à 45 jours, enfin bref, il y a tout un cheminement où ça a commencé à 3 jours et maintenant on est à 90 jours parce que le but du centre de rétention, c'est devenu une vraie prison. Il y a un vrai message qui est envoyé aux gens, qui est parce que t'es sans papier, tu peux prendre 3 mois. En fait, voilà, même si tu as réussi à pas donner tes empreintes, à pas machin ou quoi, on va réussir à t'enfermer 3 mois. Et donc ça permet aussi que les gens ils soient expulsés ou pas, de faire sortir le message partout en fait, qu'il y a des centres de rétention et que donc quand tu te rebelles face au patron, face au keuf dans la rue, dans plein de situations, et ben en fait si toi tu te rebelles, tu risques 3 mois juste pour ce que tu es, quoi, en dehors même de ta rébellion. C'est intéressant que tu parles de patron parce qu'on avait, il y a quelques mois ou quelques semaines, il y avait quelqu'un comme ça qui avait été dénoncé par son patron et qui avait appelé la police et du coup il s'était retrouvé en centre de rétention. Hein. Ouais, et c'est un truc qui arrive hyper souvent quand il y a les descentes des keufs pour faire des vérifications sur le travail au black ou quoi. En réalité, les gens ils sont emmenés en centre de rétention, quoi, derrière. Ça, on en parle peu, quoi, on fait juste le reste du blabla, mais ça, évidemment, dès qu'on est sans papier et qu'on se retrouve à croiser les keufs, en fait, on se retrouve à avoir une possibilité d'être amené soit en garde à vue, soit en retenue pendant 24 heures et après d'être placé en centre de rétention. Et donc, ce qu'on disait, c'est que ça peut durer 3 mois, que les locaux, ils sont pas faits pour ça, quoi. Enfin, il n'y a aucun local d'enfermement qui est correct, hein, tu vois. Mais il y a un truc particulier dans les centres de rétention, c'est des préfabriqués, c'est des trucs qui étaient faits pour enfermer les gens 10 jours. Mmh. Où maintenant, les gens, ils restent 3 mois, quoi. Ouais. Et rappelez aussi, lors près des gares, effectivement, quand il y a des contrôles, on le voit souvent, la police vraiment cherche des gens qui sont sans papier pour les faire embarquer. Hein. On le voit dans le Val d'Oise, qu'on va parler du Ménilamlot, ça se passe souvent comme ça. Hein. Ouais, il y a beaucoup de rafles. Il y a des rafles massives, comme on peut voir, avec pas mal de keufs qui viennent arrêter plein de gens. Et puis il y a aussi toutes les rafles disséminées avec des petites brigades de keufs qui vont aller chercher les gens, notamment à Gare du Nord, parce qu'il y a les locaux de la police aux frontières là-bas. Et du coup, ça permet de ramener les gens en continu. Et juste pour dire que le centre de rétention, du coup, c'est un truc qui est dans un plus gros système qui est celui des frontières. Et en fait, les frontières au quotidien, c'est tout un tas de lieux d'enfermement, que ce soit du centre d'accueil, des foyers où les gens ils peuvent être assignés à résidence, etc. Et la dernière étape, c'est le centre de rétention et la prison et avec la possibilité d'expulsion à tout moment, quoi. Ouais. Et vas-y. Ouais, non, je voulais juste revenir vite fait en fait sur les luttes, parce que du coup, qui dit enfermement, dit forcément lutte pour sa liberté, pour s'aménager des espaces face à tout ça. Et du coup, nous on relaye des luttes collectives et on lutte avec des gens collectivement à l'intérieur depuis en gros janvier. Mais le centre de rétention, c'est évidemment un espace où il y a des luttes en permanence. Et d'ailleurs, ces derniers temps, si ça a été plus calme entre guillemets en Île-de-France en termes de luttes collectives avec lesquelles on était reliés, il y a eu plein de luttes dans des centres de rétention où il y avait pas forcément de collectifs qui luttaient à l'extérieur et qui ont été plus ou moins relayés en fonction de la répression et de l'intensité de la révolte, quoi. Mais en gros, ces derniers temps, il y a ici, je crois qu'on n'avait pas trop le temps d'en parler, mais il y a Lyon où suite à une tentative de suicide et à des tentatives d'évasion, il y a eu des tentatives de départ de feu et une grosse répression. Pour ça, pour les tentatives d'évasion, il y a 4 personnes qui ont pris entre 2 et 4 mois de prison. 2 semaines plus tard, à Lyon, toujours au même endroit, pendant le ramadan, il y avait des problèmes avec une équipe de keufs qui ne laissait pas manger les gens la nuit. D'accord. Et qui interrompait les prières. Et il y a eu un mouvement collectif qui a fait que le bureau de l'OFI, qui est là pour les clopes, les dossiers, etc., a été, entre guillemets, genre saccagé. Genre, ils ont arraché 2-3 trucs, quoi. Et pour ça, les gens, ils ont à nouveau pris entre 2 et 4 mois de prison, donc 3 autres personnes. Donc en 2 semaines là-bas, il y a 7 copains qui sont allés à la prison du coin, quoi. Une fois que t'es emprisonné, après, on peut te re-renvoyer en centre de rétention. Ouais, carrément. Pour préciser. Ouais. On t'envoie en prison, puis après, tu retournes au centre de rétention. Ouais, ou tu peux être expulsé aussi le... directement quoi. Ok. Enfin, c'est... Mais ouais, a priori, ils vont pas être lâchés par la préfecture, quoi. Et le message, il est pas mal clair au niveau des révoltes, parce que du coup, juste dans la foulée, on aura sûrement le temps d'en reparler dans l'émission avec des gens. Mais du coup, il y a à Wassel, où, suite à une grève de la faim qui a été réprimée, il y a les 8 cellules sur 12, en gros, où ils étaient 4 par cellule, en gros, pour donner un peu l'espace. Qui ont été déglingués. Du coup, il y a plus de cellules, il reste que 4 cellules. Et en fait, de ça, il y a des transferts. Et il y a des gens qui sont à Rennes. À Rennes, il y a eu un vol caché particulièrement violent, plus ou moins au moment où les gens se réveillaient pour la prière. En gros, dans l'émission de l'Envolé de la semaine dernière, donc il doit être sur le site de l'Envolé, c'est réécoutable. Les gens, ils racontent qu'en fait, c'est quelqu'un qui a pas touché le sol entre le moment où les keufs sont allés le chercher au lit et le moment où ils sont allés dans la petite cour, parce que c'est 5 pavillons côte à côte à Rennes. Pour le scotcher et le casquer, quoi. Enfin, qu'en gros, les gens ils connaissent la violence des vols cachés, mais qu'à 4h du matin pendant le ramadan, ça fait câbler un truc aussi violent. Et donc, c'est suite à ça qu'il y a 15 places sur 40 qui ont été incendiées. Et pareil, en fait, la répression, elle a été hyper vénère. C'est entre 1 an et 2 ans de prison pour 4 personnes. Il y a 3 jours, il y a une autre personne qui a été convoquée, mise en garde à vue, qui a pris 7 mois de prison. Et avant-hier, il y a une autre personne qui a été placée en garde à vue, dont on n'a pas encore de nouvelles, quoi. Je crois que ce qui est important aussi, c'est de rappeler, quand les gens assistent dans l'avion à des embarquements comme ça, vraiment d'empêcher, hein, je pense que c'est très très important d'empêcher les déportations, hein. Ça, c'est, faut le rappeler, parce que je sais que ça se faisait à une époque, ça s'est fait beaucoup, mais là je pense qu'il faut que ça puisse reprendre. Ouais, et que le trajet il soit vers l'international ou pas, en fait les 3/4 des vols ils partent de Paris pour plein de destinations, et donc en fait les trajets par exemple Lyon-Paris, pour parler de cela, ils sont vachement utilisés pour déporter les gens, et après les gens ils sont enfermés dans les locaux de la PAF à Roissy, et après ils repartent avec un autre avion. Et du coup, juste pour dire, quand on parle d'empêcher une expulsion quand on est dans un avion, en fait ça consiste simplement à rester debout et à dire aux pilotes qu'on est contre ça, qu'on paye pas des sommes de ouf et qu'on pollue pas la planète pour en plus expulser des gens en même temps, quoi. Et le pilote, c'est comme dans un bus, il est maître à bord, et donc il peut décider de faire descendre quelqu'un, et généralement il fait descendre les keufs voilà. C'est ça, parce que la petite info, c'est qu'au cas où s'il n'y a pas des gens pour vous informer qu'il y a quelqu'un, il y a la PAF en fait à l'entrée de l'avion. Ouais, souvent. Yes. Et résultat, quand on arrive dans l'avion, en fait, on sait qu'il y a quelqu'un, même quand on la voit pas, parce que par ailleurs, ils essayent de la cacher souvent aussi. Ouais. Il y a grave moyen que la personne elle soit au fond de l'avion, derrière un rideau, que la personne elle ait pu être droguée, tasée. Enfin, il y a eu plein de témoignages de différentes luttes, quoi. Enfin, différentes manières des keufs pour empêcher que les gens se révoltent. Et du coup, ouais, c'est cool d'aller parler à la personne, d'essayer de montrer qu'il y a du soutien. Tout ça, et voilà. Et juste pour dire que quand même c'est réprimé par les keufs, et qu'il y a moyen que en faisant ça, malgré tout, vous soyez descendu de l'avion pour une vérif, voire une garde à vue. Il y a qu'une personne qui a été poursuivie à ma connaissance, mais j'ai pas suivi en fait ce qui s'est passé pour elle derrière. Après voilà, juste ça existe, donc ouais. De fait, on sait que c'est un risque, mais on est sur un risque minimal par rapport à des déportations forcées. Et il y a un moment donné où, effectivement, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est tellement difficile, c'est tellement de s'organiser face à tout ce système, en fait, concrètement, autour de la question des frontières, qu'il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut essayer quelque chose, il faut qu'on s'y mette, que ce soit les aéroports, aller devant les centres de rétention, pouvoir discuter aussi, essayer de rentrer en contact avec des collectifs. Très honnêtement, dans cette émission... on pense pas particulièrement que c'est aller voter aux européennes qui va empêcher l'Europe de devenir fasciste. Voilà, on a plus tendance à penser que c'est en restant debout dans l'avion et en accrochant pas sa ceinture. Ouais, et juste d'ailleurs pour dire, là on parlait de la répression à Rennes, pour les premières personnes qui sont passées en comparution immédiate, les premiers copains, il y a eu la DEFCOL de Rennes à la sortie, où elle va sortir des comptes rendus détaillés de l'audience pour raconter un peu comment ça s'est passé. Et qu'il y a déjà un appel de Rennes à aller manifester le 22 juin, donc pour continuer la lutte et soutenir tous les gens à l'intérieur, quoi.